Je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous disant qu'il y a entre le mâle et la femelle un certain nombre de différences. Différences qui, chez les métazoaires en général et pour ce qui nous concerne chez les mammifères en particulier, est principalement codée dans la dissymétrie génétique entre le gène X et le gène Y. Or, si chez l'homme, la différence entre X et Y permet l'expression différenciée des gènes présents sur les deux chromosomes, chez la femme, il y a un problème. L'un des deux chromosomes X doit être inactivé sous peine de produire deux fois trop de protéines et d'avoir des effets délétères, voire mortels. C'est de cette inactivation très complexe qui met en jeu l'appareil épigénétique dont nous allons vous parler aujourd'hui. Chromosome X, il n'en restera qu'un, c'est le programme simple qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer donc ces questions et l'état de nos connaissances sur ces phénomènes d'inactivation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Rougel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et responsable de l'équipe ARN non codant, différenciation et développement au centre épigénétique et destin cellulaire de l'université Paris Diderot. Et bonjour Raphaël Margueron. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM et responsable de l'équipe mécanisme de répression par les protéines polycombes de l'Institut Curie. Vous pouvez suivre cette émission comme bon vous semble, en direct, en différé sur franceculture.fr ou en podcast. Mais comme toujours, en complément, ça va être utile. On va vous mettre des schémas, des explications, des liens, comme toujours, vers les études qui seront mentionnées pendant notre conversation. Ça se passe donc sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Ceci étant dit, et pour commencer, si vos cours de biologie et de sciences naturelles sont un peu lointains, eh bien écoutez donc cette archive pour vous rafraîchir la mémoire. C'est un extrait de l'émission Connaissance de l'homme sur la radiodiffusion française. Nous sommes en janvier 1952. Le genre sexuel plonge bien ses racines jusqu'au tréfonds de l'individu, puisqu'il est déjà déterminé, fixé dans le germe qui doit donner naissance à l'être. En effet, dès l'instant de la conception, c'est-à-dire dès l'instant où se sont réunies les deux cellules reproductrices qui formeront l'œuf, le sexe est irrévocablement déterminé par la nature des chromosomes qu'il contient. Il y a chromosomiquement des œufs mâles et des œufs femelles. Vous savez ce que sont les chromosomes ? Ce sont de petites particules qui se trouvent dans les noyaux cellulaires et qui jouent un rôle capital dans les phénomènes d'hérédité. Il y en a 48 dans l'œuf humain. Ces 48 constituant 24 paires, dont chacune est formée d'un chromosome maternel et d'un chromosome paternel. Or, entre l'œuf destiné à former un garçon et l'œuf destiné à produire une fille, la différence porte sur l'une seule des paires chromosomiques. Alors que dans l'œuf femelle, cette paire est formée de deux chromosomes tout pareils, qu'on appelle chromosome X, elle est, dans l'œuf mâle, formée de deux chromosomes dissemblables. Un chromosome X, comme les chromosomes de l'œuf femelle, et un chromosome un peu plus petit, qu'on appelle chromosome Y. Voilà, alors nous sommes en 1952, il s'est passé un peu plus de 70 ans environ depuis. La science, l'état des sciences a progressé, notamment sur le nombre de paires de chromosomes, Claire Rougel. Oui, donc en effet, on n'a plus maintenant 48 chromosomes, mais 46, donc 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Une réaction peut-être juste pour réexpliquer un peu et pour reprendre les bases. Qu'est-ce qui se passe dans l'expression des gènes? Pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi l'expression des gènes sexuels, donc les paires X, X ou XY, sont différentes de l'expression des autres paires de gènes du corps humain? Raphaël Margueron. Alors l'expression est différente parce que chez la femme, il y a deux chromosomes X, alors qu'il y a, chez l'homme, il y a un chromosome X et un chromosome Y. Donc il faut qu'il y ait une compensation pour avoir à peu près la même expression de ce chromosome X qui est en deux copies chez la femme. Et pourquoi pourquoi ça s'exprime différemment en fait quand on est face à un chromosome Y? Parce que le chromosome Y, on pourrait se dire qu'il y a des gènes aussi communs. Les gènes entre X et Y sont vraiment strictement différents, Claire Rougel? Donc il y a une partie des gènes qui sont communs entre le chromosome X et le chromosome Y, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue évolutif, le chromosome X et le chromosome Y dérivent d'une paire d'autosomes dans un ancêtre commun il y a plus de 160-170 millions d'années. Autosomes sont les chromosomes non sexuels. Donc les autosomes sont les chromosomes non sexuels qui sont présents de la même manière chez les hommes, chez les mâles et chez les femelles. Et donc il y a un certain nombre de gènes qui restent en commun entre le chromosome X et le chromosome Y. une grande partie dans une région qu'on appelle donc la région pseudo-autosomique, car elle se comporte comme les autosomes. Mais à part ces gènes-là, finalement, le chromosome Y a perdu un grand nombre de gènes qui sont restés présents sur le chromosome X. Et finalement, le chromosome Y contient essentiellement des gènes qui sont importants pour la détermination du sexe mâle et pour la spermatogénèse. Et du coup, de facto, chez un individu mâle, du coup, le chromosome X peut s'exprimer quasiment complètement, en fait, sans avoir de problème de double expression des gènes, c'est cela ? Oui, c'est ça. Après, il faut tenir compte du fait qu'il y a eu plusieurs réponses chez les différents animaux. Donc là, on parle des mammifères, donc il y a une inactivation d'un des deux X. Mais il y a d'autres espèces où c'est le chromosome mâle qui va être surexprimé pour avoir une expression similaire à celle de la femelle. Ce qu'il faut aussi qu'on comprenne bien pour réviser un peu toutes ces bases, c'est que il y a dans l'expression des gènes quelque chose qu'on appelle l'effet dose, qui est important, c'est-à-dire que quand des gènes sont trop exprimés ou exprimés en trop grand nombre, ça crée des dysfonctionnements. Claire Rougeul. Tout à fait. Alors, il y a des effets doses qu'on peut voir à l'échelle de gènes uniques, et puis en partie des effets doses qui sont importants au niveau de chromosomes entiers. Et on sait qu'un dosage anormal de certains chromosomes a des conséquences évidemment délétères. Donc, un exemple bien connu, c'est la trisomie 21. Et la raison pour laquelle on voit assez peu de trisomie d'autres chromosomes, c'est probablement parce que les conséquences apparaissent dès le développement embryonnaire et donc il n'y a pas de vie possible. Est-ce qu'il est vrai, Raphaël Margueron, de dire que le chromosome X ne se comporte pas tout à fait comme les autosomes, qu'il est un peu plus exprimé, peut-être un peu plus important, que c'est un peu différent par rapport aux autres types de paires de chromosomes ? Non. Alors je pense que la réponse n'est pas très très claire. C'est assez difficile à évaluer lorsqu'on fait des approches sur tout le génome. Il y a des problèmes de normalisation qui expliquent qu'il y a eu des résultats un petit peu controversés sur le fait de savoir s'il y avait une surexpression de certains des gènes ou de l'ensemble des gènes du chromosome X ou pas. Je pense que Claire pourra répondre que moi. Donc en fait déjà le chromosome X en termes de contenu en gènes, il n'est pas foncièrement différent des autosomes. Il contient un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans des fonctions basiques de la cellule et puis des fonctions spécialisées, mais en ça, il n'est pas forcément très très différent des autosomes. Mais ce qu'on pense qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'évolution, finalement, le chromosome Y, donc au départ, on part d'une paire d'autosomes, donc de chromosomes identiques, et puis le chromosome Y, finalement, acquiert une mutation qui confère un gène de détermination du sexe chez les mâles. Et avec cette acquisition d'un nouveau gène, ou en tout cas d'une nouvelle fonction, arrivent d'autres mutations, et en particulier un certain nombre de changements qui empêchent le chromosome Y et le chromosome X d'échanger. Et cet empêchement finit par conduire à la dégénérescence, en quelque sorte, du chromosome Y, qui va perdre ses fonctions. Et donc le premier mécanisme qu'on pense qui s'est produit, c'est que pour compenser cette perte-là, le chromosome X a dû être deux fois plus exprimé, puisque l'équivalent était perdu sur le chromosome Y. Et pour compenser la surexpression du chromosome X chez le mâle, il a fallu inactiver en fait un des deux chromosomes X chez la femelle, en quelque sorte. C'est assez complexe finalement. On comprend finalement, nous vous le résumez très bien, tout va très bien. Non mais c'est pour comprendre qu'effectivement chez les autosomes, il n'y a pas besoin d'inactiver l'un des deux autres, puisqu'ils sont toujours l'un face à l'autre, et qu'au contraire ce sont la présence du même type d'allèle l'un face à l'autre qui permet l'expression des gènes ou non, grosso modo, Raphaël Margueron. Alors, en général, oui, mais il y a des cas particuliers, c'est ce qu'on appelle les gènes, par exemple, soumis à empreinte. Et c'est des gènes qui seront exprimés que par un allèle. Et donc ça, c'est les gènes soumis à empreinte, c'est où l'expression est transmise d'une génération à l'autre. Et puis il y a les gènes dont l'expression est monoallélique, c'est qui revient au même, c'est-à-dire qu'il y a un seul allèle qui va exprimer ce gène pour assurer un dosage correct. Correct de l'expression de ce gène. Pour comprendre et pour bien comprendre ce qui se passe, on sait aujourd'hui, s'il est documenté, que se passe-t-il si chez une femme, l'un des deux chromosomes X n'est pas inactivé ? Alors, en fait, on ne sait pas. Mais le fait qu'on ne le trouve pas suggère que ça ne peut pas se produire. En revanche, ce qu'on sait à partir d'études qui ont été menées chez la souris, c'est que si on bloque cette inactivation du chromosome X, effectivement, l'embryon ne peut pas se développer au-delà de l'implantation. Donc c'est mortel en fait. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc de ces mécanismes d'inactivation du chromosome X qui sont, comme on vient de l'entendre, vitaux pour les femelles mammifères, pour la femme en l'occurrence, qui est un des cas particuliers de femelles mammifères. Nous en parlons avec Claire Rougeul et Raphaël Margueron. Alors on va essayer de comprendre et on va, vous allez voir que c'est effectivement des mécanismes passionnants qui mettent en jeu ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, on en a déjà parlé à plusieurs reprises autour de cette table. On va vous mettre, comme d'habitude, un certain nombre de liens vers les émissions passées sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. Mais peut-être on peut commencer simplement par rappeler aussi un peu, par faire un petit rappel de ce que c'est que l'épigénétique. Quel est le lien finalement entre l'épigénétique et l'inactivation du chromosome X, Claire Rougeul? Alors l'épigénétique peut se décliner selon différentes définitions, mais je dirais pour faire simple que c'est tout changement dans la fonction des gènes ou dans l'expression de ces gènes qui n'est pas lié à des changements de la séquence des gènes en eux-mêmes. Et ce sont des changements qui doivent répondre à deux critères, et ça c'est vraiment très important. C'est des changements qui sont à la fois héritables, donc qui peuvent être transmis d'une génération de cellules à une autre génération de cellules, et qui sont également réversibles, puisque la séquence en elle-même n'a pas été changée. Donc l'inactivation du X est vraiment considéré comme un paradigme des régulations épigénétiques, parce que finalement on se retrouve avec deux chromosomes X qui sont assez semblables. Si on parle des souris de laboratoire, ils sont même génétiquement totalement identiques, et pourtant ils vont être traités différemment au sein d'un même noyau. Un va être fonctionnel et l'autre va être en quelque sorte dormant. Pour bien comprendre le béaba de l'épigénétique, c'est de se dire que toutes les cellules de notre corps ont exactement et strictement le même patrimoine génétique, et pourtant certaines cellules sont des cellules musculaires, d'autres cellules sont des kératocytes ou des cellules peu importe, ou des cellules sanguines. Voilà, c'est effectivement la régulation épigénétique qui va faire que le patrimoine génétique donne tel ou tel type de cellules. Est-ce que mon résumé est correct, Raphaël Margueron? Oui, c'est correct. Et donc l'exemple du chromosome X est vraiment, comme Claire vient de le dire, le paradigme, parce que une fois que ce choix est fait d'inactiver le chromosome paternel ou le chromosome maternel, ce choix va être maintenu dans les cellules lorsqu'elles vont se développer et à l'âge adulte. Donc ça sera maintenu très très longtemps. C'est-à-dire que cette inactivation, alors on va préciser que là pour le moment on va parler des mammifères et beaucoup des modèles, soit des modèles murins, soit des modèles humains essentiellement, et que les choses peuvent être plus compliquées dans d'autres branches de l'arbre phylogénétique, mais cette inactivation elle se passe extrêmement tôt dans l'embryogenèse, Claire Rougeul. En effet, elle se passe probablement au moment de l'implantation d'une manière générale, donc au moment où l'embryon va s'implanter dans l'utérus. Cependant, il semble qu'il y ait des différences dans la dynamique exacte de l'inactivation en fonction des espèces. Et donc, l'espèce qui a été la plus étudiée jusqu'à présent, c'est l'espèce, la souris. Et là, cette inactivation débute même en amont de l'implantation, pendant les étapes pré-implantatoires. Et alors que chez l'homme, l'inactivation débute un tout petit peu plus tardivement, et on ne comprend pas encore très bien pourquoi ces différences. Est-ce que il s'agit toujours du même chromosome qui est inactivé, le chromosome maternel, le chromosome paternel, ou est-ce que ça varie d'une cellule à l'autre, Raphaël Margueron? Alors non, ce n'est pas toujours le même chromosome, mais pour répondre à cette question, il faut déterminer de quelle espèce on parle, parce que la souris est un petit peu particulière. Il y a deux processus d'inactivation du X. Il y en a un qui est aléatoire et il y en a un plutôt dans le développement qui est soumis à empreinte. Donc c'est toujours le même chromosome qui est inactivé. Chez les humains, je crois qu'on pense qu'il y a surtout une inactivation aléatoire. Oui, je confirme, effectivement, il n'y a pas d'inactivation soumise à l'empreinte chez l'humain. Soumise à l'empreinte, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est soumise à l'empreinte? Soumise à l'empreinte, ça veut dire qu'il y a une empreinte parentale qui existe et qui est un petit peu ce que Raphaël a décrit tout à l'heure pour les gènes soumis à empreinte parentale. Ça veut dire que le chromosome mémorise finalement son origine parentale. Est-ce qu'il vient du père? Est-ce qu'il vient de la mère? Et en l'occurrence, pour ce qui concerne l'inactivation du chromosome X chez la souris, dans les étapes précoces, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure du développement préimplantatoire, c'est toujours le chromosome X paternel qui est inactivé. Cette inactivation préférentielle du chromosome X paternel, elle est gardée dans tous les tissus extra-embryonnaires, donc le placenta, mais elle est perdue très transitoirement au moment où l'embryon, ou juste avant que l'embryon s'implante, et après va se mettre en place la deuxième vague d'inactivation qui cette fois est aléatoire et touche soit le X maternel, soit le X paternel. Ce qui veut dire que statistiquement, dans l'ensemble des cellules du corps d'un individu femelle adulte, on trouvera 50% de X maternel et 50% de X paternel, Raphaël Margueron ? Oui. C'est ça. Il y aura des ensembles de cellules dans lesquels il y aura eu une activation du X paternel et d'autres ensembles dans lesquels il y aura eu une activation du X maternel. Et alors c'est intéressant et c'est là où on va commencer à rentrer dans, dans la finesse de ces processus et aussi un peu dans le casse-tête, c'est que j'ai lu et je parle évidemment sous votre contrôle que pour autant il peut y avoir parfois, Claire Rougeul, des processus de contre-sélection quand sur l'un des deux chromosomes il y a des mutations qui peuvent être des mutations délétères. Alors effectivement, ça peut se produire. Donc disons que ce qu'on peut remarquer chez la femme, c'est qu'il peut y avoir parfois des écarts par rapport à cette loi statistique qui est de 50% un X maternel actif et 50% un X paternel actif. Donc on peut se retrouver dans des cas extrêmes où finalement, dans 90% des cellules, ce sera toujours le même chromosome X qui sera inactivé. Là, j'attire juste l'attention sur le fait que 90% des cellules, c'est 90% des cellules qu'on regarde, souvent des cellules de sang. On ne parle pas évidemment de 90% des cellules de la femme, parce qu'on ne peut pas faire ce type d'étude. Donc ce biais-là, il peut avoir deux origines. Une origine, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire qu'au moment où l'inactivation se met en place, il y a une inactivation préférentielle d'un des deux chromosomes. Ou un biais secondaire, c'est-à-dire que l'inactivation se met en place de manière aléatoire, mais il va y avoir une contre-sélection de cellules ayant inactivé tel ou tel chromosome. Alors j'aimerais qu'on revienne justement un peu pour comprendre sur ces mécanismes d'inactivation, sur le fonctionnement de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, avant d'en arriver à l'échelle chromosomique sur ce qui est de l'expression ou de l'activation ou de l'inactivation d'un gène, quels sont les grands mécanismes en fait qui contrôlent justement l'expression des gènes et de l'épigénétique? Qui préfère répondre à ça, Raphaël Margueron? Alors il faut garder en tête qu'il y a plusieurs mécanismes pour l'épigénétique. Il y a un mécanisme qui est souvent oublié, c'est un facteur de transcription qui régule sa propre expression. Si ce facteur est exprimé en réponse à un stimulus et qui maintient lors de la division, il est capable de promouvoir sa propre expression. Une fois qu'il a été activé, il va maintenir son activation dans les cellules filles. C'est ce qui explique la spécification des cellules, la spécialisation pardon, des cellules, par voilà, exemple. Voilà, ça peut intervenir dans la différenciation des cellules. Par contre, c'est un exemple qui s'applique moins à l'inactivation du chromosome X, parce que là, on a, si un facteur de transcription promeut sa propre expression, il ne va pas pouvoir distinguer le X inactif du X actif. Donc là, je pense qu'on aura un mécanisme qui se repose plus sur la régulation de la chromatine. Alors la chromatine, c'est... Alors on y retourne, on réexplique tout. La chromatine, la régulation, on va réexpliquer ce qui se passe et pourquoi d'un seul coup, grâce à ces mécanismes et ces mécaniques épigénétiques, certains gènes sont exprimés à certains moments et à d'autres non. Comment ça se passe au niveau chromosomique, Raphaël Margueron, expliquez-nous ça. Alors la chromatine, déjà, c'est la façon dont c'est la structure qui permet le repliement de l'ADN dans une cellule. Et ça a un rôle très important parce que selon la forme de cette chromatine, un gène va être accessible ou ne pas être accessible. Dans le cas de l'inactivation du X, rendre la chromatine très compacte permet d'éviter que ce chromosome soit exprimé. Donc ça a un rôle, c'est ce qui peut contrôler l'expression des gènes. Claire Rougeul, en fait, la chromatine, on est déjà à l'échelle moléculaire. À l'échelle supramoléculaire, si on descend un peu plus près, en fait, l'ADN, on a cette structure en double hélice en tête. On peut vous rappeler que dans chaque cellule, il y a environ 2 mètres d'ADN, c'est ça? Donc voilà, il faut faire rentrer 2 mètres d'ADN dans un noyau de quelques micromètres. Voilà, fait quelques micromètres. Donc pour ça, il faut enrouler l'ADN. L'ADN s'enroule autour de petits blocs protéines qui s'appellent des histones. Voilà, exactement. Donc ça, l'enroulement de l'ADN autour des histones constitue un niveau d'organisation de base qu'on appelle le nucléosome. Et puis s'ajoutent à cette organisation des niveaux de compaction supplémentaires qui permettent vraiment d'organiser très précisément. Parce qu'il n'est pas juste question finalement d'arriver à faire rentrer de l'ADN dans une cellule. Il faut aussi que ça soit extrêmement régulé et qu'on puisse à n'importe quel moment avoir accès à telle ou telle région de l'ADN pour pouvoir l'exprimer ou la répliquer ou la réparer si elle est abîmée. Donc, c'est comme des fichiers qui seraient dans des dossiers, voilà. Qui seraient dans des tiroirs. Donc il y a différents niveaux de compaction et à un moment donné, il faut arriver jusqu'à la feuille ou jusqu'au paragraphe exact dont on a besoin. Exactement. Donc, et ce qui est important dans cette notion d'épigénétique. Donc la chromatine joue un rôle très important dans l'épigénétique, mais tout ce qui est chromatinien n'est pas nécessairement épigénétique, parce que la définition de l'épigénétique implique une notion de mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui va, une information va être reçue à un moment donné, elle va se manifester par un changement d'organisation de la chromatine, et ce changement va pouvoir se maintenir au fur et à mesure des divisions cellulaires, même si le signal de départ n'est pas là. C'est ça vraiment, je pense, une définition importante de l'épigénétique. On vient de vous mettre sur le fil Twitter l'émission, justement, un schéma qui explique tous les différents niveaux et les échelles de compactage de la chromatine. Un mot, peut-être Raphaël Margueron, parce que c'est vrai, quand on parle, et puis on va reparler de méthylation dans un instant, mais peut-être un mot sur un complexe qui est intéressant et dont on parle moins, qui est moins connu, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est le complexe polycombe, dont on va reparler tout à l'heure, mais vous pouvez nous expliquer en quoi ça marche et à quel moment ça intervient justement dans l'épigénétique? Alors c'est un complexe qui a un rôle important dans l'épigénétique. En fait, polycombe, c'est quelque chose qui a été découvert il y a plus de 80 ans chez la drosophile, et qui fait référence à un phénotype. Alors, sans rentrer dans les détails du phénotype, ce qui est important de retenir, c'est que les cellules perdent un petit peu leur identité. C'est-à-dire qu'une cellule d'une partie, par exemple, antérieure de la larve de drosophile va acquérir des propriétés postérieures, ou va y avoir un changement d'identité de la cellule. Le phénotype, c'est l'expression du génome, hein, c'est les traits extérieurs du génome. C'est comme ça que le phénotype, c'est une traduction de l'expression des gènes. Et donc les travaux ultérieurs ont montré que ce phénotype était dû à des mutations dans un complexe de protéines, c'est-à-dire plusieurs protéines qui se retrouvent ensemble, et qui fonctionnaient en régulant la structure de la chromatine, c'est-à-dire en modifiant ces histones et ces octamères dont on a parlé précédemment. Et donc ce complexe polycombe, il vient et il permet justement d'avoir accès, de décompacter à un moment donné, c'est ça ? Alors, il va plutôt compacter. Oui, c'est en ça. Fait, lorsque une cellule se différencie, il va y avoir des choix qui sont faits sur les gènes qui doivent être exprimés ou potentiellement exprimés dans les cellules plus tardivement. Et certains gènes, il faudra éviter qu'ils soient exprimés. Et pour ça, il y aura différentes machineries de répression de la transcription, dont la machinerie polycombe, qui permettra d'assurer que un certain nombre de gènes ne sont pas exprimés. Alors là, ce qu'on a décrit, et je vais vous renvoyer, hein, on avait fait toute une émission, notamment avec Edith Heard, autour de ses recherches en épigénétique. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. On va pas revenir complètement sur le détail. Je pense que ce que vous venez de nous dire est à peu près suffisant pour pouvoir poursuivre et comprendre ces phénomènes d'inactivation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces phénomènes épigénétiques, on les connaît très bien au niveau génétique, c'est-à-dire au niveau des gènes. Ce qui se passe pour le chromosome X, c'est que ça se passe pour l'ensemble d'un chromosome, et c'est la seule occurrence de ce type d'occurrence à cette échelle-là dans le corps humain, Claire Rougel. Oui, absolument. C'est un exemple unique, finalement, de ce qu'on appelle une régulation concertée à l'échelle d'un chromosome. Donc, on connaît l'épigénétique ou la régulation des gènes à l'échelle unique. Souvent, c'est pas forcément un seul gène qui est régulé, ça fonctionne plutôt en domaine. Mais là, l'inactivation, c'est vraiment un chromosome entier, ou presque. qui va être régulé de la même manière. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette inactivation, elle se fait donc très tôt, mais une fois qu'elle est faite, elle doit tenir tout au long de la vie pour toutes les cellules, ou presque. Voilà, donc elle se met en place après l'implantation. On ne connaît pas en fait exactement la cinétique, parce que ce sont des stades auxquels on ne peut pas accéder. Donc, Chez l'être humain, parce chez que l'être humain, et même chez la souris, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais parce que c'est juste au moment de l'implantation, il faut extraire l'embryon. C'est faisable, mais c'est pas absolument trivial. Donc tout le monde peut pas faire ça. Et puis c'est pas évident d'accéder à toutes les cellules de l'embryon. En tout cas, ça ne l'était pas jusqu'à présent. Donc on ne sait pas absolument à quel moment ça se met en place. Si ça se met en place exactement au même moment dans toutes les cellules. Il y a l'idée en tout cas que l'inactivation, elle est très très liée à la différenciation cellulaire. Donc dès que la cellule commence à acquérir une fonction, en tout cas un état particulier, cette différenciation, cette spécialisation s'accompagne de l'inactivation. Une fois que ça s'est mis en place, donc probablement assez tôt au cours de l'embryogenèse, effectivement, cette inactivation, elle est maintenue. Et maintenue, ça veut dire que si on prend une cellule, par exemple, dans laquelle le chromosome X paternel a été inactivé, toutes les cellules qui vont descendre de cette cellule mère vont avoir le chromosome X paternel qui va être inactivé. Il y a une exception qui concerne la lignée germinale, c'est-à-dire que les cellules qui vont donner les cellules sexuelles femelles, donc qui commencent à se spécialiser assez tôt, hein, au cours de l'embryogenèse, vont finalement perdre cette inactivation, de sorte que les gamètes femelles vont chacun contenir un chromosome X actif, et il n'y aura pas une partie des gamètes qui aura un X actif et une autre partie des gamètes qui aura un chromosome X inactif. Raphaël Margueron, pour compléter ça, donc effectivement, l'inactivation du chromosome X, elle est vraiment quasiment concomitante avec le principe de différenciation des cellules. Oui, exactement. C'est pour ça que dans les modèles qu'on utilise pour suivre l'inactivation du X, c'est souvent les cellules souches. Et on regarde ce qui se passe lorsqu'on induit la différenciation. Et l'inactivation se met en place très rapidement dès que les cellules sortent de cet état de cellules souches. While the blood runs warm in our veins, de Josh White, un peu de blues sur France Culture à 16h30. Nous parlons tout au long de cette heure d'épigénétique et d'inactivation du chromosome X. Nous en parlons avec Claire Rougeul, qui est directrice de recherche CNRS et responsable de l'équipe ARN non codant, différenciation et développement au Centre épigénétique et destin cellulaire de l'Université Paris Diderot. Et avec Raphaël Margueron, qui est directeur de recherche INSERM et responsable de l'équipe mécanisme de répression par les protéines polycombes de la l'Institut Curie. Alors on va maintenant sortir le microscope à balayage électronique. On va essayer d'aller voir un peu plus près au niveau des mécanismes cellulaires et moléculaires de l'inactivation. Et pour cela, nous sommes allés, une fois n'est pas coutume, en laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut Curie, justement, dans le laboratoire d'Edith Heard, qui elle est partie à Heidelberg, pour comprendre l'une des toutes dernières publications en la matière sur la chronologie de l'inactivation, publication qui date du 10 janvier dernier dans la revue Cell. Oui, et c'est avec Léonore Pérez de la méthode scientifique que je suis allé rencontrer Jan Zilic, qui est chercheur au sein de l'unité génétique et biologie du développement à l'Institut Curie, vous le disiez. Jan Zilic et son équipe, ils ont mis en évidence avec un degré de précision inédit la chronologie exacte de l'inactivation du chromosome X. Et pour cela, ils ont observé en détail les modifications chimiques de protéines liées à l'ADN qu'on appelle histone et qui jouent un rôle clé dans l'inactivation du chromosome X. Jan Zilic nous explique donc pourquoi cette compréhension de la chronologie de l'inactivation du chromosome X est très importante, mais aussi pourquoi elle pourrait à terme nous aider à mettre en place des thérapies spécifiques dans le cadre de certaines maladies génétiques. À la base, on était vraiment intéressé par le fonctionnement de régulation de la chromatine durant l'inactivation de chromosome X. Et on sait qu'une fois qu'il est inactivé, il accumule beaucoup des changements chimiques de la chromatine qui sont typiques des régions pas exprimées, donc inactivées. Mais ce qu'on ne savait pas, est-ce que ces changements chimiques sont vraiment importants pour inactiver les gènes ou pas? Et aussi, il n'y avait pas d'études avant qui se concentraient sur l'ordre des changements, comment ça se déroule pendant l'inactivation de X. Est-ce que certaines modifications viennent avant l'autre? Voilà, des questions comme ça. J'aimerais comprendre un petit peu comment ça s'est passé d'un point de vue méthodologique et quelle méthode vous avez employée pour justement étudier cette chronologie-là très précise et très rapide de l'inactivation du chromosome X. Donc, on travaille... ici, surtout avec des cellules souches de la souris, et on peut utiliser cette cellule pour commencer l'inactivation du chromosome X. Et on prenait les échantillons tous les 4 heures, donc vraiment on a regardé avec une résolution très précise sur les processus qui sont liés à l'inactivation de chromosome X. Et puis on a utilisé tous ces échantillons pour mapper les modifications de chromatine en utilisant une méthode qui s'appelle CHIP, c'est Chromatin Immunoprecipitation, qui est liée avec le séquençage à gros débit. Donc ici, on peut vraiment identifier les régions de la chromosome X qui devient modifiée dans une manière très spécifique. Et on peut voir quelle partie de chromosome X, quels gènes sont inactivés avant les autres, et aussi la chronologie des modifications spécifiques. Alors, qu'est-ce que vous avez pu montrer, justement, grâce à ces travaux de recherche sur cette chronologie de l'inactivation du chromosome X? Donc, il y a plusieurs choses qu'on a trouvées, mais une des choses qui était plus importante, c'était que un des premiers changements chimiques qui se déroule sur la chromatine, c'est perte de acétylation des histones. Donc, normalement, la chromatine, c'est l'ADN avec toutes les protéines qui sont liées autour de l'ADN. Et la majorité des protéines qui sont liées avec l'ADN, ce sont des histones. En français, et ces histones peuvent être modifiés chimiquement. Une des changements chimiques qui se déroulent, qui sont utilisés très souvent, c'est acétylation. C'est une petite groupe chimique qui modifie les histones. Et normalement, c'est associé avec une activité des gènes. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que quand l'ex devient inactif, un des premiers changements chimiques, c'est perdre de cette acétylation. Donc le chromosome devient déacétylé. Donc là, finalement, c'est quand même une première, ces travaux-là, sur cette chronologie d'inactivation du chromosome X. Et là, qu'est-ce que ça ouvre finalement comme perspective et dans la compréhension de l'inactivation du chromosome X et éventuellement pour d'autres travaux en génétique de pointe? Grâce à cette chronologie, on était capable de poser des nouveaux hypothèses. En fait, une des premières hypothèses, c'était que cette déacétylation peut être vraiment importante pour l'inactivation des gènes. Et ça, on a fait pas mal de manips pour vraiment vérifier cette hypothèse. Et heureusement pour nous, on était capable de montrer que oui, cette déacétylation est importante. C'est un enzyme qui s'appelle HDAC3 qui le fait, et ça aide vraiment à inactiver le chromosome. Donc déjà, ça nous montre quelque chose très moléculaire sur comment une activation de chromosome X se déroule, mais aussi ça nous dit hein, pas mal des choses. Comment on peut normalement inactiver l'autre gène? Peut-être c'est un mécanisme assez similaire, et peut-être on peut utiliser ce mécanisme pour inactiver des gènes qui créent des maladies, par exemple, si ce sont des gènes qui sont mutés, peut-être on peut les éteindre. On pense par exemple là, à la trisomie 21 ou ce genre de maladie. Oui, voilà, donc ça fait quelques années déjà qu'il y avait un groupe de Jenny Lawrence qui a montré en fait que c'est possible d'utiliser les régulateurs d'inactivation de chromosome X pour inactiver un des chromosomes 21 dans les cellules humaines. Donc si on peut vraiment utiliser tout ce processus pour inactiver un chromosome entier, théoriquement, un jour, ce serait possible d'utiliser ça comme thérapie. Pour le moment, c'est pas possible, mais on commence à voir que c'est un processus très rapide, très bien organisé, qui peut-être peut être utile dans la thérapie aussi. Alors, l'inactivation du chromosome X ne fonctionne pas pareil chez la souris que chez l'homme. Et du coup, est-ce que vous projetez de faire le même type de manipulation sur des cellules souches embryonnaires humaines? Dans notre labo, on ne travaille presque pas avec des cellules humaines. Il y a quelques problèmes pour le moment. Il n'y a pas un modèle qui marche très bien chez les humains. En fait, la majorité des cellules souches humaines, elles ont déjà un chromosome qui est inactif. Donc ça devient un peu compliqué. Mais par contre, Claire Rougel travaille beaucoup avec les modèles humains, elle développe de nouveaux outils, donc je suis sûr dans quelques années, ce serait possible de vérifier si tout ce qu'on a trouvé est aussi vrai pour chez les humains. Voilà, Claire Rougel, maintenant, il faut répondre à ce que on vient. Est-ce que c'est vous qui tenez entre vos mains, justement, l'application aux cellules humaines de tous ces procédés d'inactivation que l'on arrive à établir sur un modèle murin, mais qui sont encore très compliqués à établir sur des modèles humains? Oui, absolument. Donc, on s'attelle à comprendre un peu comment marche l'inactivation chez l'humain, et on s'aperçoit, nos travaux et des travaux d'autres équipes, en particulier aussi l'équipe d'éditeurs, ont contribué à montrer que cette inactivation qui avait été si bien décortiquée chez la souris semble se produire assez différemment chez l'humain. Donc, la finalité est la même. Il y aura un des deux chromosomes X qui va être inactivé dans toutes les cellules de la femme, mais la manière dont cette inactivation se met en place semble être différente. Et donc, ça pose un certain nombre de questions et aussi de problèmes sur comment étudier l'inactivation chez l'humain. Donc, il faut avoir des cellules souches, effectivement, des cellules souches embryonnaires. Mais comme il a été dit dans le reportage, les cellules souches embryonnaires humaines ne sont pas d'un aussi bon modèle que les cellules souches embryonnaires de souris. Parce qu'elles sont à un stade déjà avancé et donc avec déjà des chromosomes qui sont inactivés, c'est cela ? Alors, entre autres, oui, elles sont effectivement à un stade un peu plus avancé avec des chromosomes X inactivés, et aussi parce que la manière dont le phénomène se met en place n'est pas la même. Donc, c'est un mélange des deux. Mais maintenant, on commence à pouvoir avoir accès à des cellules qui ressemblent plus à l'embryon préimplantatoire et dans lesquelles on peut peut-être imaginer comprendre vraiment l'initiation du mécanisme, que pour le moment, on n'a pas accès à ce stade-là. Raphaël Margueron, peut-être une réaction au reportage avant de passer à la suite, à ce que vous venez d'entendre et à ces travaux? Oui, je pense que, comme Claire vient de le souligner, il y a une dynamique qui est différente entre la souris et les humains. Toutefois, les mécanismes de régulation de la chromatine qui sont impliqués dans les deux cas sont probablement similaires, en tout cas sont très bien conservés. Donc on peut imaginer à nouveau que la dynamique sera différente, mais que les acteurs seront potentiellement les mêmes. C'est-à-dire la déacétylation, la méthylation, ce qui a été évoqué Voilà, les différentes modifications des histones ou de l'ADN qui sont mis en jeu lors de l'inactivation du X sont probables. Donc on sait déjà qu'il y en a un certain nombre, que pour la plupart, ils sont conservés chez les humains et ils assurent la même fonction. Qui sont des modes d'action épigénétiques. Hein. On vous renvoie encore une fois à l'émission que nous avions consacrée où on expliquait tous ces mécanismes en détail. Une question un peu ingénue. On parle du modèle murin, du modèle humain. On a d'autres exemples dans le règne animal chez les mammifères? Bah, pas tant que ça, finalement. C'est vraiment essentiellement la souris qui a été étudiée. Depuis quelques années, on commence évidemment à s'intéresser à l'humain. Il y a eu quelques études aussi chez le lapin qui ont été faites, qui suggèrent aussi une différence, en particulier par rapport à la souris. Donc en fait, ce qu'on en ressort, c'est que finalement, il semblerait que la souris qu'on a étudiée depuis tant d'années soit un petit peu une exception dans le monde de l'inactivation et utilise des méthodes qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes ailleurs. Mais je module un peu ça en disant que finalement, il y a quand même, je pense, une grande partie du mécanisme qui est conservé et quelques différences. On n'a pas du tout de modèle primate ? Donc les primates, bah, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse justement. Donc on s'intéresse beaucoup à ce qui est conservé, nous on s'intéresse beaucoup à ce qui est différent. Je trouve ça assez amusant de voir plutôt ce qui est différent entre les espèces. Donc on a déjà noté quelques différences entre l'homme et la souris, ce qui n'est pas forcément surprenant, parce que c'est des espèces qui ont divergé il y a environ 90 millions d'années. Mais maintenant, ce qu'on voudrait comprendre, c'est comment, sur une échelle de temps évolutive qui est beaucoup plus limitée finalement, comment l'inactivation se met en place, et est-ce qu'on peut observer des différences qui auraient pu apparaître en un temps beaucoup plus limité. Alors on va essayer justement d'aller comprendre un peu, parce que là on est resté finalement assez loin de ce chromosome X et des mécaniques d'inactivation. Il faut pour cela parler d'un mécanisme qui a été découvert en 1970, qui a été réactivé, enfin en tout cas décrit et expliqué sur le modèle murin en 2001. C'est cet ARN non codant existe, j'ai toujours tendance ça veut dire existe, parce que je sais pas, ça fait, bon bref, c'est pour des questions de sonorité inintéressantes. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit, Claire Rougeul, cet ARN non codant existe. Déjà, c'est quoi l'ARN non codant et pourquoi est-ce que c'est ce qui intéresse particulièrement dans ces questions autour de l'inactivation du chromosome X? Donc, pour parler d'ARN non codant, je vais commencer par parler du dogme que tout le monde connaît plus ou moins, de ce que c'est qu'un gène, ou tel que ça a été enseigné à beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'un gène, c'est une partie de l'ADN qui va donner naissance à un ARN qu'on appelle messager, qui est une genre de photocopie de ce gène, et qui va permettre de convoyer une information qui va permettre la synthèse des protéines. Pour ça, on a pensé pendant longtemps que le génome, c'était des gènes qui allaient être transformés en ARN messager et ou transcrits en ARN messager et donner des protéines. En fait, on s'aperçoit maintenant que cette information-là, ces gènes, ils constituent finalement que 2% de notre génome. La plupart du génome n'a pas d'information permettant la synthèse des protéines. Or, la plupart du génome donne quand même des ARN, donc des ARN qu'on appelle non codants. Alors, l'inactivation, c'est vraiment, je dirais, le premier exemple où on a pu mesurer l'impact de ces ARN non codants, et parce que c'est le processus d'inactivation, on a beaucoup parlé des protéines qui modifient les histones, mais avant tout, il y a un ARN non codant qui est absolument essentiel pour l'inactivation, qu'on appelle XIST ou EXIST chez les Anglais, mais disons qu'ici on dit plutôt... C'est mon côté bilingue, trilingue, international. Pour X inactive specific transcript, c'est-dire... Je vais vous laisser traduire le transcrit exprimé spécifiquement à partir du chromosome X inactif. Voilà. Bon. Et donc, cet ARN XIST, il a été identifié en 1991, exactement, en même temps chez l'homme et chez la souris, de manière totalement fortuite, en fait. Je crois que les gens recherchaient des protéines et ils sont tombés complètement par hasard sur XIST. Donc, les découvertes n'arrivent jamais là où on les attend, c'est le principe. Et cet ARN non codant, c'est lui qui va finalement orchestrer tout le processus d'inactivation. Alors justement, comment est-ce qu'il cet ARN existe? Comment est-ce qu'il orchestre ce processus d'inactivation? Qu'est-ce qui se passe? Je crois justement, pour me retourner vers vous, Raphaël Margueron, qu'il va justement recruter ce fameux complexe polycombe sur lequel vous travaillez pour permettre un compactage particulier du chromosome X. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous êtes là pour nous l'expliquer. Ça résume bien le sujet de recherche de beaucoup de laboratoires. On sait que d'un côté on a l'ARN non codant XIST, dont l'expression est nécessaire pour avoir une activation du X. Et ensuite on sait par des études, dont celle de Yann, on connaît les modifications qui vont avoir lieu sur le X inactif et avec quelle dynamique. Et beaucoup de laboratoires aujourd'hui essayent de comprendre comment on va de cet ARN non codant à ces modifications sur sur le génome. Alors il y a, depuis quelques années, on commence à découvrir de plus en plus d'acteurs, et on commence à se rapprocher d'une étape où on pourra lier ces modifications à cet ARN codant, mais il y a encore beaucoup de points qui ne restent pas clairs. Pierre Rougeol, sur justement la façon dont cet ARN non codant va être produit en très très grande quantité, en quantité suffisante pour créer, je crois, une sorte de cage en quelque sorte autour du chromosome X inactivé. Oui, alors très très grande quantité, pas forcément, mais en tout cas suffisamment pour produire une cage. Je pense que un petit peu avant ça, ce sur quoi il faut revenir, c'est le fait que le gène existe, il est présent sur les deux chromosomes X et il est présent sur le chromosome X du mâle. Donc la première étape de l'inactivation, c'est de faire en sorte que le gène ne s'exprime que chez les femelles et que à partir d'un seul des deux chromosomes X. Après, une propriété absolument fascinante de Xist, c'est que à l'inverse des ARN messagers, il ne va pas être envoyé dans le cytoplasme, il reste dans le noyau. Non seulement il reste dans le noyau, mais il reste même complètement associé au niveau du chromosome à partir duquel il est transcrit. Donc il va diffuser, mais d'une manière relativement limitée dans l'espace, et il va effectivement recouvrir le chromosome, un des deux chromosomes X, pour former une cage qui va protéger ce chromosome de toute la machinerie qui aurait tendance à vouloir transcrire les gènes et l'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'au tout début, en fait, cette cage de Xist, elle se forme sur les deux chromosomes. Et ça, c'est un peu compliqué. Il y a manifestement quelque chose qui se passe là et qui fait que d'un seul coup, l'un des deux se libère de sa cage et pas l'autre. Alors ça, c'est vrai chez l'homme et pas chez la souris. Voilà. Et c'est une des différences majeures entre l'homme et la souris. C'est que chez la souris, ne forme une cage toujours qu'autour d'un seul des deux chromosomes X. Alors que chez l'homme, il y a une période relativement transitoire, justement avant l'implantation, où Xist est là, il va former cette cage, mais en fait probablement pas une vraie cage à ce moment-là, probablement une cage avec une porte ouverte, et c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que la présence de Xist pendant ces stades précis de l'embryogenèse humaine ne soit pas suffisante pour inactiver le chromosome, ou les chromosomes en l'occurrence, puisque c'est présent au niveau des deux. Et c'est là qu'interviennent vos travaux. Alors vous avez trouvé autre chose après Xist, vous avez trouvé un autre ARN non codant qui s'appelle XACT pour X-Active Coaching Transcript. Je vous laisse nous expliquer un peu en quoi ça consiste et qui serait en fait, qui permettrait justement ce découplage à ce stade très très très très avancé, enfin très tôt, où il y a encore un peu de Xist sur les deux chromosomes X. Ouais, alors j'aimerais acquiescer à ce que vous venez de dire. Bon, c'est encore exploratoire, on n'a pas la réponse définitive, mais effectivement on s'intéresse aux mécanismes qui permettraient de comprendre ce découplage entre la présence de Xist et l'inactivation du chromosome. Et on a donc qui semble être spécifique à l'homme, en tout cas, peut-être à d'autres espèces de primates. Et on a identifié un autre ARN non codant qui est, lui, spécifique des grands primates. Donc, on retrouve chez l'homme, chez les chimpanzés, mais pas dans les macaques et pas chez les rongeurs en particulier. Et qui est exprimé spécifiquement à cette période de développement et qui a un peu la même propriété que Xist, c'est-à-dire qu'il va être capable de recouvrir aussi le chromosome X. Et finalement, ce qu'on trouve, c'est que ces deux ARN, ils sont présents simultanément sur les deux chromosomes X au moment où Xist n'est pas capable d'inactiver le chromosome X. Et donc, ce qu'on pense, et même si bon, ça reste à démontrer, bien évidemment, on pense que peut-être XACT jouerait un rôle d'antagoniste et finalement empêcherait Xist de se rapprocher trop près du chromosome et de l'inactiver. Ce qui du coup permettrait de discriminer un des deux chromosomes de la paire, vraisemblablement, mais enfin avec tout ça est en état de recherche très très précoce encore. Et la discrimination, on ne sait pas si c'est les mêmes mécanismes, mais en tout cas c'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse encore chez l'homme. Exact. Donc X-Active Coaching Transcript, vous le traduiriez comment? Alors en fait, c'est, si je peux me permettre, c'est X-Active Coating Transcript. Pour moi, c'est faire un manteau. Il pourrait coacher le X-Active, mais il se contente pour l'instant. Une fois qu'on aura la fonction, peut-être on pourra le renommer, mais en tout cas, pour l'instant, il se contente de le recouvrir. Donc, c'était un petit peu d'avoir le pendant de Xist. C'est une transcription de ma part, pour le coup. Voilà. Donc, Xist est X-Inactive Specific Transcript et Exact est X-Active Coating Transcript. Voilà, c'est l'idée qu'il recouvre les chromosomes X actifs. Des travaux qui ont valu le prix du magazine de la recherche en 2017. Aujourd'hui, on sait quelque chose, c'est que Xist, donc c'est très important au départ pour l'initiation de l'inactivation, mais que une fois que cette inactivation a été lancée, en fait, Xist disparaît. Alors, oui ou non? Non, pas du tout. J'ai mal compris. Allez-y. Alors, Xist reste exprimé tout au long de la vie, a priori. Ce qui a été montré de manière assez artificielle, en tout cas chez la souris, c'est que si on retire artificiellement Xyst d'un chromosome qui est déjà inactif, normalement, le chromosome reste inactivé. Voilà. Donc, j'ai mal résumé, mais c'est ça que j'avais lu, effectivement. Il est, en théorie, pas nécessaire au maintien de l'inactivation. Et c'est là qu'interviennent un certain nombre de modifications épigénétiques. Je pense que l'idée derrière ça, c'est d'assurer quelque chose d'extrêmement stable, de mettre plusieurs verrous pour être sûr que s'il y en a un qui saute, finalement, on n'a pas de réactivation du chromosome X. Mais si je peux me permettre, bien sûr, en fait... Mettez-vous tout ce que vous voulez, allez-y, on est là pour vous écouter. Ça, en fait, il y a un certain nombre de dogmes qui ont été... Enfin, de dogmes ou de principes généraux qui ont été établis. Et je crois que maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir des outils qui permettent de poser des questions beaucoup plus fines. Et peut-être que cette idée que cette inactivation, elle est complètement stable, elle est indépendante de Xyst et elle est maintenue tout au long de la vie, c'est certainement peut-être à nuancer, en fait, et avec aussi potentiellement des différences entre les espèces. Oui, à ce sujet, on sait que globalement, lorsqu'on retire Xyst, il n'y a pas une réactivation complète du X inactif. Par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de gènes qui sont présents sur le X inactif et qui sembleraient être plus sensibles à la présence de Xyst et qui se retrouvent activés. Mm-hmm. Donc, globalement, c'est pas strictement nécessaire, mais il y a un certain nombre de gènes pour lesquels la présence de Xyst en continu est nécessaire pour maintenir la répression. Et, oui, Catherine Roger. Claire. Pardon, excusez-moi, Claire Couchel, excusez-moi, décidément. Allez-y. Non, je voulais aussi citer des travaux relativement récents, justement, sur cette idée que l'inactivation, elle est maintenue tout au long de la vie, en fait, qui s'est intéressé en particulier au système hématopoïétique, parce qu'on sait qu'il y a... La création des cellules immunitaires, oui. Des cellules sanguines, des cellules qui ont une fonction immunitaire, parce qu'on sait qu'il y a des différences de réponses immunitaires entre les mâles et les femelles, ou les hommes et les femmes, en tout cas. Et ces études ont... Le système immunitaire est plutôt plus exprimé chez les femelles que chez les mâles. Voilà. Très, très schématiquement. Très schématiquement. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ce qui a été montré, c'est que dans ces cellules immunitaires, finalement, il y avait un certain relâchement, pas exactement un relâchement de l'inactivation, mais en tout cas, potentiellement, une possibilité de relâchement. Et que c'était pas aussi verrouillé. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose de très important qui pourrait peut-être être étendu à d'autres types de cellules et d'autres types de tissus. Et justement, en termes précisément de relâchement ou de taille peut-être des mailles de cette grille ou de cette cage, là où les choses se compliquent, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, et notamment en comparant avec les individus atteints du syndrome de Turner, qui est la monosomie du chromosome X, que finalement, on pourrait se dire, finalement, pour des femmes qui n'ont qu'un chromosome X, finalement, comme il y a un chromosome X inactivé, tout devrait bien se passer. Or, c'est un syndrome. Or, c'est un syndrome qui a des symptômes, qui est une symptomatologie. Donc, il faut bien les deux chromosomes X. Et c'est là qu'on se rend compte que même sur le chromosome X inactivé, finalement, il n'est peut-être pas si inactivé que ça. Au contraire, qu'il n'est même pas complètement inactivé, Claire Rougel. Oui, en fait, il y a, on pense, environ 20% de gènes qui échappent à l'inactivation, c'est-à-dire qu'ils sont finalement exprimés à la fois à partir du chromosome X actif et du chromosome X inactif. Donc, d'une manière générale, le niveau d'expression à partir du X actif et du X inactif n'est pas totalement identique. Donc, il y a quand même un semblant de répression qui est là, mais il y a une expression de 20%, et je pense que cette liste, elle va évoluer au fur et à mesure des études, de gènes qui échappent à l'inactivation et qui expliquent pourquoi la perte totale d'un chromosome X a des effets, en tout cas chez l'homme, ce qui n'est pas beaucoup moins le cas chez la souris. Raphaël Margueron, on parle de 15 à 20% des gènes du X inactif qui seraient malgré tout exprimés. Oui, alors je crois que sauf erreur de ma part, ça dépend un petit peu des espèces, mais c'est effectivement ce qu'on estime chez l'homme, de gènes qui sont résistants. Oui, chez la femme, pardon, mais l'homme avec un grand H. Qui sont résistantes en fait à la répression par Xyst. Donc on comprend ça, Claire Rougel, on comprend comment justement ces gènes-là, comment les ARN codants traversent cette cage, on comprend pourquoi, quels gènes, on a une cartographie un peu de ce génotype exprimé malgré l'inactivation. On commence à avoir une cartographie. Déjà, il y a différents types de gènes qui échappent à l'inactivation. Il y a des gènes qui échappent toujours à l'inactivation, quel que soit le stade de développement, quel que soit le moment de la vie, quel que soit le tissu. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu plus variables et qui peuvent dépendre d'un individu à l'autre, d'un tissu à l'autre. On a quelques exemples ou pas? Ou d'une cellule à l'autre. De, de ces gènes qui échappent à l'IA. Il y en a des exemples, oui. Je ne vais pas vous citer des gènes spécialement, mais... Des gènes dont on connaîtrait le rôle précis et la transcription, je veux dire. Il y a le gène de XIS déjà qui échappe à l'inactivation de facto. Oui, alors lui, c'est particulier parce qu'il n'est pas exprimé à partir des deux, il est exprimé qu'à partir du X inactif. Mais bon, Exprimé, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il est exprimé. Absolument. Donc, comment ça marche? Parce que c'est ça votre question, en fait, à la base. En fait, on n'a pas totalement la réponse. Donc, on pense qu'il y a des déterminants dans la séquence d'ADN en elle-même, parce qu'il y a des gènes qui échappent à l'inactivation. On peut les mettre à différents endroits du chromosome. Ils vont garder cette propriété. Et puis, il y en a d'autres qui, finalement, arrivent à passer entre les mailles de la cage par l'effet d'une absence de modification épigénétique et puis de protéines qui les aident à sortir de cette cage. Raphaël Margon. Non, c'était pour répondre à votre question sur le nom des gènes. En fait, il y a une variabilité importante. Il y a un certain nombre de gènes qui échappent, qu'on appelle escapi, qui échappent dans toutes les cellules et dans la plupart des individus, mais aussi un nombre important qu'on appelle des escapi facultatifs, c'est-à-dire que selon le tissu ou selon l'individu, ils vont échapper ou pas. C'est pour ça que donner un nom, facile. Non, c'était juste si vous aviez quelques exemples comme ça. J'allais dire une bêtise, mais il y a un certain nombre de gènes en particulier qui sont impliqués eux-mêmes dans la régulation de la structure de la chromatine, KDM6. UTX, et donc certainement dans l'échappement, pour le traduire en français, l'expression de ces gènes. Un mot peut-être pour conclure, on entendait tout à l'heure dans le reportage quelques pistes thérapeutiques, on entendait dans le reportage l'éventualité d'une compréhension, d'une maîtrise justement de l'inactivation d'un chromosome surnuméraire, et évidemment on pense au syndrome de Down. Donc ça, il y a des très jolis travaux qui ont été faits, qui sont une preuve de concept finalement que on peut inactiver un chromosome entier de manière dirigée. Donc ça, c'est grâce à la propriété de XIST d'être capable d'inactiver n'importe lequel des chromosomes sur lesquels il est présent. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Le bémol peut-être, c'est que en fait cette inactivation, elle ne peut se mettre en place que dans une fenêtre de temps particulière. Donc très très tôt dans le développement. Ça récapitule ce qui est observé. Donc on peut faire ça dans des cellules du syndrome de Down, mais qui est la trisomie 21, mais on peut le faire que dans un contexte particulier. Et donc, si on arrive à comprendre pourquoi XIST ne peut opérer que dans un contexte particulier, on pourrait peut-être reproduire ces expériences dans une cellule vraiment différenciée, spécialisée. Raphaël Margueron, aussi d'autres applications thérapeutiques éventuelles, pas forcément sur l'inactivation d'un chromosome surnuméraire, mais aussi des applications thérapeutiques dans la lutte contre certains types de cancers typiquement féminins. On sait que dans le cancer du sein, il y a fréquemment un déséquilibre entre X actif et X inactif qui met en jeu des raisons génétiques, c'est-à-dire une perte du X inactif, mais aussi des mécanismes épigénétiques. Donc c'est vrai que c'est assez important de comprendre précisément comment XIST fonctionne pour essayer de disséquer ce qui peut se passer dans les cancers du sein et essayer de savoir si cette perte partielle de l'inactivation du X pourrait contribuer à la progression des cancers du sein. Merci beaucoup à tous les deux, Claire Rougeul, merci Raphaël Margueron d'être venu nous parler de cette question passionnante de l'inactivation du chromosome X. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Leu aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain il sera question de surveillance généralisée et de reconnaissance faciale. De plus en plus de caméras sont équipées de logiciels d'analyse des visages. Comment ces logiciels fonctionnent-ils? Pour quel usage? Jusqu'où peut-on modéliser le visage humain? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.